Vacarme avec le Montreux Comédie Festival du 28 novembre au 3 décembre. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Messieurs les présidents, il est temps de s'en aller. Les autorités de la République démocratique du Congo viennent officiellement de confirmer la mort de Laurent Désiré Kabila. Vous savez, au Congo, comme dans la plupart des pays où les journalistes sont parfois ciblés, c'est rarement le fait de balles prises par inadvertance. Cette semaine, rencontre avec deux réalisateurs. Moi, j'ai besoin de faire un film et puis en face, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. De Kafka à Lucha. Les militaires n'ont pas dit une part ici au Congo. Ils tirent. Au boulot, au Congo. Les Nations Unies passent. Et les gens jettent des cailloux sur ces gens, je me prends un caillou aussi, et je me dis, waouh, ça va être chaud. Le Congo est un scandale géologique, c'est un des pays potentiellement les plus riches du monde. Et puis qui a tiré? Tu sais, ce qui me soutient, c'est quand quelqu'un me dit, on est ensemble. Qui a commencé? Je suis fier parce que ceux qui m'ont mis en prison, ils sont du mauvais côté de l'histoire. On est ensemble cette semaine, Marlène Rabault, pour parler de... Votre travail, c'est un vous collectif, puisque vous travaillez avec Arnaud Zatman, qui s'entretient également à notre micro, au micro d'Histoire vivante. On a parlé avec lui hier et avant-hier de documentaire Kafka au Congo, Adieu l'enfer et Qui a tué Laurent Désiré Kabila. L'éventail est très large. On a aussi bien, j'allais dire, le documentaire à proprement parler, géopolitique classique, comme le qui a tué Laurent Désiré Kabila, qui appartient d'ailleurs à la vaste famille des assassinats politiques que les auditeurs de la radio-télévision suisse connaissent bien. Et puis, il y a ces autres propositions qui relèvent parfois du portrait, presque systématiquement de l'immersion, c'est-à-dire que quand il y a de la voix off, soit elle n'est pas du tout là, il n'y a pas du tout de commentaires, pas du tout d'interview, les images, les choses sont autoportées, ou alors, comme pour le tout dernier dont nous allons parler dès aujourd'hui et demain, il y a un commentaire, mais on va dire minimum pour, disons, que le spectateur puisse suivre l'histoire. Là, on est avec un documentaire dont je sors à peine, je l'ai vu ce matin, on se voit là en fin d'après-midi, Congo Lucha. Pourriez-vous peut-être nous en faire le résumé? Comment vous arrivez à ça? La Lucha, c'est un mouvement citoyen qui s'appelle Lutte pour le changement, qui est né à Goma, dans l'est du Congo, il y a 5 ans. Et moi, Goma, je connais bien parce que c'est le cœur des conflits dans l'est du Congo. Et donc, j'ai couvert avec Arnaud Zeitman pendant plusieurs années la guerre dans l'est du Congo. Et c'est toujours à Goma qu'on atterrissait, c'est toujours là qu'on restait pendant des semaines et où on couvrait les différents conflits, les différents groupes armés. Pourquoi inévitablement là? Parce que Goma, c'est à la frontière avec le Rwanda, c'est entouré de collines qui sont occupées donc par tous ces groupes armés. Et donc la population fuit les villages pour venir se réfugier à Goma, là où il y a le haut commissariat aux réfugiés qui installe des camps de déplacés, etc. Donc c'était, disons, la ville la plus importante, là où on... De toute façon, on arrive et puis après, on progresse et on va plus loin. Et Goma, bah, c'est une ville, donc c'est aussi là où on peut trouver les responsables militaires, où on a forcément besoin de s'y arrêter, quoi. Et puis c'est une ville au bord d'un lac magnifique, entourée de collines, avec un volcan qui est là. Donc la ville est recouverte d'un lit de lave volcanique, puisque la ville a été victime d'une éruption en 2002. Donc après avoir reçu des milliers et des milliers de réfugiés rwandais après le génocide, ils ont reçu la lave du volcan. Enfin, c'est une ville vraiment damnée comme ça, mais en même temps... Voilà, qui se reconstruit là-dessus et qui résiste. En fait, c'est un peu cow-boy comme ça, comme ambiance. C'est le western. Mais beaucoup de violence et en même temps beaucoup de vie. Et sur ce sol fertile, c'est là que Lucha prend... Et donc c'est là que des jeunes de 20 à 25 ans qui ont connu que la guerre, qui sont nés dans la guerre, se disent maintenant ça suffit. Sont quasiment les premiers déçus et à se dire on va passer à l'action, on va dire non, stop, on veut plus, quoi, on veut que ça change. Et donc, une lutte pour le changement, c'est ça. Lucha, c'est lutte pour le changement. Et c'est un mouvement citoyen, parce qu'ils ne sont pas politiques, ils sont indépendants, ils sont... Ils ont une grande conscience politique, mais ils n'appartiennent pas. n'appartiennent pas à un parti politique. Alors forcément, ils ont, comme chacun de nous, des préférences, etc. Forcément, ils sont anti-Kabila parce que Kabila leur a fait croire, quand ils avaient 10-15 ans, qu'il allait être le premier président d'un Congo démocratique, qui passerait le pouvoir, qui laisserait le pouvoir, etc. Et puis finalement, aujourd'hui, il a du mal à le faire. Donc eux, ils se sont trahis, quoi. Et ils se disent, il nous avait promis, il le fait pas. Donc on va demander, est-ce que ça change? Mais bon, il y a 5 ans, c'était pas la fin du mandat du président, donc ils se sont créés surtout parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité chez eux et qu'ils voulaient en avoir. Ils voulaient que tout le monde ait accès à l'école, aux soins de santé. Donc ce sont souvent des juristes de formation ou des médecins, des psychologues. Ce sont des jeunes, hein, beaucoup de, c'est surtout des étudiants. Mais donc ce sont des gens qui, en tout cas, dont le bien-être des Congolais importe, quoi. Et vous repérez ça à quelle occasion, vous ? Je découvre sur les réseaux sociaux la photo de Rebecca qui a 22 ans, qui est en prison parce qu'elle a demandé le départ de Kabila. Et donc c'est en 2016. Et elle est condamnée à 6 mois de prison. Et là, elle tient les barreaux et elle a un regard. Et là, moi, je tombe amoureuse de la fille tout de suite. Je dis, cette fille, moi, je veux la voir, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce regard ? Bah, elle regarde droit devant elle, avec une douceur et en même temps une détermination. Je me dis qu'elle voit juste, quoi. Parce que la lucha, c'est non-violent. C'est vraiment un mouvement citoyen non-violent. Chaque fois, ils disent non-violent. Parce qu'ils ont grandi dans la guerre et ils savent bien que tout le monde utilise les armes pour avoir le pouvoir dans ce pays. Donc ils regardent du côté de Toro, du côté de Gandhi, du côté de... Oui, mais en même temps, ils ne suivent pas un modèle. C'est pas dans la théorie. C'est eux-mêmes leur modèle. C'est leur détermination, c'est leur force, c'est leur croyance vraiment en la lutte, en leurs valeurs. Donc c'est pour ça qu'ils parlent souvent d'un Congo nouveau, d'un homme nouveau, parce qu'ils ont conscience que c'est tout un système de valeurs qu'il faut changer maintenant. Animé par mon grand amour de ma patrie, la République démocratique du Congo, mon refus de la résignation et du fatalisme face aux maux qui ruinent mon pays, et ma ferme volonté de participer en tant que citoyen à la sauvegarde de son unité, de sa paix, de sa démocratie, ainsi qu'à la défense de la justice, de la liberté et de la dignité pour son peuple, j'ai décidé librement, en âme et conscience, d'adhérer sans réserve à la philosophie, aux idées, aux valeurs, aux principes, aux méthodes et aux actions du mouvement citoyen lutte pour le changement, Lucha. Je confesse que la Lucha est un mouvement citoyen non partisan et non violent, des jeunes Congolais de tout âge, race, sexe, origine, condition, conviction et appartenance. Toujours agir selon les règles et les méthodes de la non-violence, universellement reconnue. Et puis là, je me dis, bon, il faut que j'y aille. Et là, je contacte donc Vumi, c'est devenu un ami maintenant, mais c'est le personnage de... C'est le prisonnier qui est dans sa cellule dans notre précédent film Meurtre à Kinshasa, et qui donc s'est évadé... Dont nous avons parlé, en effet. Voilà. Vumi et Vumilia. Vumilia, hein. Voilà. Et donc il s'est évadé ensuite, et puis maintenant il est réfugié en Suède. Et lui, il est originaire de Goma, donc je l'appelle et je lui demande « Tu connaîtrais pas quelqu'un à Goma de la Lucha ?» Alors lui, forcément, à distance en Suède, il regarde toujours ce qui se passe au Congo. Il vit même plus au Congo qu'en Suède, même si ça change un peu maintenant. Mais... Et donc, il me dit, bah si, j'ai mon neveu. Mais tu sais, moi, après 10 ans de prison, mon neveu, je l'ai pas... il est tout jeune, il a 30 ans. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il est dans la Lucha. Bon, il me donne son contact. Et puis, je l'appelle et c'est Luc. C'est Luc, donc c'est lui qui deviendra Luc Nkulula, qui est un des cofondateurs du mouvement. Et la personne qui va m'inviter à venir, qui me fait confiance et puis qui... Comme ça, au téléphone? Bah, je lui parle une fois. Il est au courant du film que vous avez fait, évidemment. Sur son oncle. Sur son oncle, ce qui est peut-être un sésame quand même. Oui, parce que c'est quand même un film que les Congolais aiment beaucoup, en général. Même s'il y a plein de reproches à en faire, parce que c'est... On ne dit pas qui a tué Kabila. Donc les gens sont un peu... qui a tué Kabila? Vous auriez pu amener une réponse. Voilà. Ouais. Mais quand même, en tout cas, on a fait la recherche. Donc du coup, oui, je suis un peu connue pour ça. Et donc Luc vient en visite et de passage à Bruxelles, je le rencontre et puis il me dit non, ça c'était pas forcément une rencontre la plus déterminante, mais en tout cas voilà, moi je décide d'y aller et Luc est ma porte d'entrée dans le mouvement et je sens c'est à Goma, en arrivant à Goma, que je me rends compte que Luc en fait c'est pas n'importe qui dans le mouvement, même si c'est un mouvement horizontal et qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, chacun amène ce qu'il peut, ce qu'il veut, et tout ça fait une force commune qui est très belle. Mais Luc, lui, il est dans l'action, dans la stratégie, organise beaucoup. Et il est plus âgé aussi. Donc il a déjà 10 ans de lutte en tant que de la jeunesse étudiante. Ce qui fait 7-8 ans de plus que les autres. Oui, hein. C'est ça. Et puis Luc est un personnage très attirant, comme ça. On sent qu'il dévoue sa vie à ce qu'il fait, à son engagement. Je comprends très vite qu'il a une vie... personnel aussi, qui est bon, comme beaucoup de gens à Goma, hein, qui ont été endeuillés par la guerre, par la précarité, tout ça. Donc bon, voilà, il vit avec sa sœur dans la maison de sa mère qui est décédée. Et je sens qu'à voilà, à son âge, à 33 ans, il n'a pas de famille, il n'est pas marié. Au Congo, c'est assez rare, en fait. Et en fait, il n'a jamais encore trouvé le temps vraiment de fonder une famille. Et puis, en fait, il se dit surtout qu'il doit préparer le Congo pour accueillir cette famille. Et donc, il doit faire en sorte que ça change. Et donc, il donne tout, quoi, pour la lutte, pour la lucha. Nous sommes libres. On est libres de faire tout ce que nous voulons. La lucha en est une preuve. On est libres de critiquer Kabila en cours de route, de chanter en toute liberté qu'il quitte les pouvoirs alors que c'est des mots tabous qui ne se dit pas à n'importe quelle scène. Mais on le dit en toute liberté. On est libre de décider que va devenir le Congo demain. Mais nous avons peur de prendre cette responsabilité parce que la liberté en soi, c'est une grande responsabilité. Et que la question de se poser chacun d'entre nous, ce n'est pas qu'on est libre ou non, mais la question, est-ce que nous sommes prêts à prendre cette responsabilité. Comment Marlène Rabault se construit dans votre tête, et on devine qu'il y a quelque chose qui, vu la manière dont ça s'est agencé, qui se fait de manière progressive. Vous n'arrivez pas avec un scénario bâti, la première, la dernière réplique, évidemment. C'est donc un truc qui se tricote progressivement. Est-ce que vous avez déjà fait auparavant l'expérience de ce genre de construction-là, qui se fait à mesure, et du coup, vous saviez que vous pouviez vous lancer dans quelque chose qui n'avait pas encore de point final. Le point serait, c'est un chantier en cours. Bah oui, parce qu'en fait, tous les films se sont construits comme ça, je crois. Toujours, en fait. Vous concernant. Oui, tous nos films, on rencontre des gens qui ont un but, qui cherchent quelque chose, et puis on les suit jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose. Ou jusqu'à ce que nous, on se dise, bon, ça y est, ils ont obtenu quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est un peu fou, parce que ça oblige de rester beaucoup de temps, longtemps, sans attendre en même temps, parce qu'il se passe toujours des choses. Et c'est vrai qu'on est toujours dans l'incertitude, parce que le film évolue tout le temps, en fait. Et c'est ça qui est dur après, au final, c'est que finalement, effectivement, on a filmé trois fois trop, parce qu'on a suivi beaucoup d'histoires. Mais là, concernant ce film de la lucha, quelque part, là, ce que je vous raconte sur Luc, moi, je sais que dès la première fois que je l'ai vu, que je l'ai suivi, j'ai eu l'impression qu'il m'annonçait sa mort, en fait, dès quasiment la première scène. Et maintenant, de savoir qu'il a été tué il y a 3 mois, je me dis que, quelque part, mon histoire, elle se rapproche de... Enfin, pour moi, en tout cas, au plus près de Luc, de ce que lui a mis dans la lucha. Il était prêt au sacrifice. Ils sont prêts au sacrifice et au risque pris pour cette lutte. Et il l'a dit plusieurs fois qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Je prends toujours le bon soin de laisser mes pièces d'identité à la maison. Là, j'ai laissé un peu d'argent ici pour m'assurer que mes arrières sont couverts au cas où je suis arrêté. Ou en fait, je suis condamné pour quelques mois et tout ça. Je sais qu'au moins pour les 2 ou 3 premiers mois, mes responsabilités seront assurées par quelque part. Donc, c'est pour qui cet argent? C'est pour ma petite sœur, au cas où je ne reviens pas. Entre être convaincu soi-même, comme vous avez pu l'être, dès lors que vous avez croisé ces regards, rencontré ces personnes, parlé avec elles, et puis le moment où il faut aller convaincre les étages de ceux qui ont le chéquier. Parce que pour entreprendre pareil travail, est-ce que vous avez choisi de bétonner un peu avant financièrement la production, ou est-ce que vous avez choisi d'y aller à l'aventure en disant ça va se faire au fur et à mesure? Comment vous avez procédé là? Bah, ce qui est bien, c'est quand même qu'en Belgique, on a la RTBF. Et que quand même... C'est... Excellent confrère. Et que donc, finalement, moi, j'avais déjà la RTBF pour faire le film. Alors, ça permet pas de faire un film tout seul, mais ça aide quand même. Et puis... Ça fait l'étrier. Oui, c'est ça. Après, c'est difficile, effectivement, parce qu'il faut passer des commissions, il faut convaincre. On me renvoie parfois à un statut de journaliste, parfois à une personne seule. Voilà, il faut défendre son beefsteak, et c'est vrai que c'est difficile. Je pense que pour tout le monde, c'est difficile de défendre son projet devant une commission, parce que finalement, on se rend compte que... Ça relève de la mise à nu, quand même. Il faut toujours... Voilà, que quelqu'un cherche à trouver la faille, s'il y en a, en tout cas essayer de voir s'il y en a une. Alors vous avez vendu ça comment ? Remémorez-vous cet après-midi désagréable devant la commission. Comment vous y êtes-vous pris ? Moi je ne suis pas très stratégique. J'ai raconté que je pense que j'aimais beaucoup ces jeunes et que j'y croyais. Et c'était la première fois que je voyais des jeunes se lever comme ça, sans armes, avec un message de paix, sans qu'ils soient corrompus, sans qu'ils soient manipulés, que ça venait vraiment du cœur. Et que moi, je voulais suivre ça, parce que ça me touchait énormément. Mais je ne sais pas quel crédit il faut accorder à la vibration, mais c'est vrai que eux, moi je les ai vus sur vos images, Marlène Rabault, dégagent une énergie qui est... en termes de vibration, extraordinairement positive. Extraordinairement positive. Ça perce l'écran, ça. Ah, bah c'est chouette. Oui, bah oui. C'est pas facile à vendre, ça, auprès d'une commission. Hein. Bah non, et puis en même temps, moi j'assume que c'est ça, qu'effectivement, que c'est une vibration, que ce sont des regards, que c'est de la beauté. Et donc j'assumais être complètement in love avec ces gens-là. Et donc ça passe ou ça passe pas, mais je pense qu'après, il faut assumer ce qu'on est. Et puis après, les gens... Il y aura toujours des gens pour, de toute façon, pas y croire ou pas suivre, de toute façon. Donc, mais il y a des gens qui vous ont suivi. Oui, finalement, oui. Mais c'est vrai que ça n'a pas été évident, malgré mes films déjà faits au Congo, mon expérience en Congo. Je sais que la dernière aide que j'ai reçue, c'est après la mort de Luc. Il était un des visages de la lutte citoyenne contre le pouvoir congolais. Luc Nkulula, cofondateur de la Lucha, est mort cette nuit. Sa maison a été brûlée par un incendie d'origine suspecte. Ses voisins et amis n'ont pas pu le sauver des flammes. C'est que Luc a été, doit nous servir de modèle pour suivre sa lutte pour qu'à tout prix, notre pays sorte de cette situation de non-état. Je suis convaincu que le message que Luc a laissé, a transmis au sein de la jeunesse de toute la RDC, cette semence-là pourra produire des effets et pourra inciter beaucoup plus d'autres à s'engager activement pour le changement dans notre pays. Je me dis voilà, enfin on a compris que c'était pas du jeu, que c'était vrai. Une bande de jeunes, seulement une bande de jeunes qui... Donc le projet se monte progressivement. Vous filmez quoi, les premières images? Je demande à Luc d'aller me montrer le problème de l'eau. Comme il n'y a pas d'eau à Goma, d'où ça vient, quoi, ce problème de l'eau? Alors, qu'est-ce qu'il vous montre? Bah alors, on va au lac, et puis il me montre toutes ces jeunes filles qui ont 10, 12 ans et qui viennent le soir puiser de l'eau dans des jerrycans jaunes, et puis qui les sanglent ensuite avec des peignes, et puis qu'elles s'accrochent comme ça autour de leur cou, et ça se balance sur leur dos, et après, elles parcourent 1 kilomètre jusqu'à leur maison, quoi. Et donc, ce sont des groupes qu'on voit partout dans les rues de Goma, des enfants qui portent de l'eau. Dans un pays qui... Arnaud Zeltman le disait à ce même micro hier, pourrait faire partie des pays les plus riches du monde, tant le minerai dans le sous-sol est abondant et immense. Et tant il a aussi d'eau, le fleuve Congo, tous ses affluents, des lacs. Là, on est dans la région des Grands Lacs, donc il y a beaucoup de lacs, beaucoup d'eau. Il y a des torrents, Oui, il y aurait moyen d'avoir de l'eau, de l'électricité, à manger, tout ce qu'il faut. Ils le savent, ça. Les gens, les Congolais, les gens savent très bien qu'ils ont un gros potentiel. Alors, là, c'est les premières images, c'est les jerrycans, c'est les petites filles, les jeunes filles. Vous travaillez comment? Vous travaillez en récoltant, comme avec un filet à papillon, vous attrapez là, puis... Non, mais là, je sais que ce sont des images, de toute façon, que j'utiliserai pas, mais que c'est juste une façon de commencer à filmer, et puis... Vous tournez en sachant que vous n'utiliserez pas? Oui, parce que déjà, Luc, lui, il est habitué quand même à répondre à des journalistes, etc. Donc lui-même a une sorte d'attitude comme ça, lui-même, moi, j'ai pas envie de lui expliquer avant comment je fais, ce que je fais, il verra bien, quoi. Donc je le filme, je lui pose des questions tout en filmant. Puis je suis ce qui se passe, parfois je décroche, je suis une fille qui passe avec son jerrycan, et donc lui est parfois peut-être un peu surpris de voir que finalement ce qu'il est en train de dire, je m'en détache et je reviens, mais en même temps voilà, ça permet pour lui aussi de voir comment, ce que je fais, quoi. Et en même temps moi voilà, en fait je décroche quand il me fait un peu son interview, et puis mais après quand il répond au téléphone, je le filme. Et donc là, je commence à le voir au téléphone. Donc je vois que c'est quelqu'un qui est souvent au téléphone, qui reçoit des coups de fil, qui doit aller dans des rendez-vous. Et donc c'est comme ça que je vais commencer à le suivre, parce que je sais qu'il a un rendez-vous, alors je le suis. Oui, Franck, bonsoir. Voilà, les grands rendez-vous que tu attendais, il est là, non? Ok, Franck, voilà, le deal, il est comme ceci. Nous sommes subdivisés en équipe, et toi tu fais partie de l'équipe avec laquelle je vais être. Je t'attends demain à 8h, donc ne rate pas le rendez-vous et ne pense pas que y a quelqu'un d'autre qui va t'appeler ou t'envoyer un message à part moi. Tu fais partie de mon équipe. Décrocher quand il commence à vous parler de toute sa démarche et qu'à un moment votre caméra peut s'éloigner pour tourner vers autre chose, c'est aussi une manière de lui dire... Peut-être, oui. Sans lui dire, mais en tout cas lui montrer que bon, c'est pas... C'est chouette, mais je m'intéresse aussi à ce qui se passe autour. Et donc lui-même va de lui-même, en fait, rapidement parler naturellement, en fait. Et en fait, on a terminé cette petite scène là au lac. Et puis, il m'a invité à aller chez lui parce qu'il habitait à 200 mètres de là. Et donc, c'est comme ça que j'ai vu pour la première fois sa maison. Et puis, sa petite sœur, Amen, qui a 22 ans et qui était avec son petit copain dans le salon. Et voilà, on a bu un verre d'eau. Et puis, c'était parti, quoi. C'est ma chambre. Elle est désordonnée comme la chambre de tous les garçons qui se respectent. Donc lui m'a invité aussi comme ça à rentrer dans son univers. Et puis je me suis rendu compte que c'était un peu la maison de la Lucha, que c'était une maison où on doit aller si on veut savoir ce qui se passe dans la Lucha. Il y aura toujours des gens, il y aura toujours... puis on y trouvera Luc, quoi. Mais j'ai encore plein d'espoir pour ce Congo. Ils sont combien à ce moment-là quand vous les découvrez? Ils sont... Quelques dizaines? Oui, une cinquantaine. Bon, ils ont des réunions comme ça toutes les semaines, le dimanche. Et là, il y a à peu près une quarantaine de personnes, entre 30 et 50 personnes. Donc c'est vraiment infime. Mais ils font du bruit. Ça, ce sont des gens réguliers. Mais derrière, il y a beaucoup de sympathisants. Mais c'est vrai que les actions de terrain, souvent, ça tourne entre 20 et 40 personnes. Mais plutôt 20 personnes, 20 à 30 personnes. C'est comme une classe, quoi. Ce qui fait que vous avez peut-être eu droit à quelques remarques du type... Pourquoi donner crédit de prime abord à un mouvement si léger? Autant dans le poids plume. C'est pas, vous n'avez pas affaire à de solides bataillons qui ont décidé de s'armer contre un pouvoir abusif et qui ne veut pas lâcher le tabouret. Là, vous avez affaire à quelques gamins qui dansent bien, qui chantent bien et tout ça. C'est vrai que c'est compliqué à vendre, un projet pareil. Qui peut bien s'intéresser à ce petit groupe? Kabila, le président lui-même, ça le fait trembler déjà. Donc, c'est ça qui est assez fou quand même. Ouais. Il semble qu'il y ait comme ça de l'extérieur un tel décalage de force. Il mise la lucha, mais je pense que comme tout mouvement de lutte, mise sur une étincelle pour que la révolution se fasse. Donc l'étincelle, on la cherche, on essaie de la créer et il faut y aller, quoi. Et donc la lucha, même s'ils sont 20, 30, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, la lucha, elle a été créée à Goma, mais elle a fait des petits dans tout le pays. Donc la lucha existe maintenant dans toutes les villes du Congo. Donc, ah oui, ça s'est propagé donc. Au niveau national, ils sont plusieurs milliers. Donc c'est quand même des gens qui arrivent à faire des actions communes, aux mêmes dates, dans tout le pays. Et donc ça fait peur au régime. Et ce sont des jeunes qui sont incorruptibles. Et ça, c'est aussi nouveau. Parce que le pouvoir a l'habitude, dans ces cas-là, rapidement, d'appeler et d'acheter les gens, et de les faire taire. Et donc là, ils voient que ces gens résistent, alors ils les mettent en prison. Et puis longtemps, et 6 mois, Fred Boma a fait 17 mois en prison. Et Kabila vient à Goma après la libération de Rebecca pour les rencontrer pour la première fois. Il demande à rencontrer la Lucha. Et donc c'est 50 personnes qui se pointent chez le gouverneur pour rencontrer Kabila. Kabila qui demande à chacun d'enlever les bracelets, etc. Il a peur des gris-gris, il ne sait pas qui est là en face de lui. Il ne comprend pas qui sont ces jeunes qui sont tellement déterminés, qui refusent l'argent, qui refusent les postes, qui refusent les études. Qui s'exprime extrêmement bien. Et donc, moi, je vois ça. Donc, je me dis, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui... Et donc, ils multiplient les actions. Et puis, ils sont à chaque fois arrêtés, à chaque fois emprisonnés. Et puis, à chaque fois, c'est relayé sur les réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, les étrangers aussi s'y intéressent. Donc, les Européens, parce que Goma, c'est la capitale de la guerre au Congo. Donc, quand les diplomates viennent, ils viennent faire un tour à Goma. Quand les ONG viennent, les représentants européens, etc., viennent, c'est à Goma qu'ils vont rencontrer les gens de la société civile, etc. Et la Lucha, très vite, se retrouve à être appelée. Et à dire ce qu'ils pensent de la situation au Congo. Donc ils sont reconnus par la communauté internationale, au bout d'un moment. Aujourd'hui, Rebecca a rendez-vous avec une délégation du département d'État américain. Bonjour, Rebecca. Je m'appelle Tom. Bonjour. Je vous remercie. Luc. Bonjour. Léandre. Léandre. Bon. D'accord. I wanted to ask Rebecca why, what inspired her to join. I want to hear from each of you, but particularly. Je suis née dans les cartouches, je peux le dire comme ça. Imagine vraiment quelqu'un qui est conçu dans les cartouches. Il grandit dans les cartouches. Et maintenant, il est dans les cartouches. Est-ce que je vais léguer un pays comme ça à mes enfants? Je ne pense pas, moi. On croyait que c'est le bon moment qu'en 2016, il y aura l'alternance. On nous a fait rêver ça. Moi, je comptais m'enrôler et avoir voté. Je voulais voter aussi en 2016, peut-être pour la première fois. Je voulais voter aussi, mais ça a passé sur mes doigts. Well, thank you for your time. Be safe. Merci. Merci, moi aussi. Merci beaucoup. Pendant des mois, Luc, Rebecca et leurs camarades vont être invités à sillonner les capitales occidentales pour faire entendre la voix de la Lucha. Ces dernières années, dans d'autres pays africains, des dictateurs ont dû quitter le pouvoir sous la pression de mouvements populaires. Les diplomates reconnaissent en la Lucha cette même jeunesse qui va peut-être réussir à changer le cours des choses dans son pays. Avec Kabila, tant qu'il est au pouvoir, je vous rassure qu'il n'y aura pas d'élection en RDC. Nous avons besoin de la démocratie, nous avons besoin de l'alternance, nous avons besoin de la passation du pouvoir qui est civilisé aussi en RDC. J'invite activement l'Union européenne à prendre des sanctions ciblées contre des personnalités congolaises qui sont directement impliquées dans dans la répression actuelle ou dans le blocage du processus électoral. Bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup. La proposition de la Lucha de sanctionner les autorités congolaises sera entendue. Quelques jours plus tard, les États-Unis et l'Europe gèlent les avoirs et interdisent de visa les membres de l'entourage immédiat du président Kabila, accusés d'être responsables de la répression et de faire obstruction au processus électoral. Ces sanctions représentent une des grandes victoires de la Lucha. Espoir, tu es en détention? Oui, je suis en détention. Tu es dans une cellule? Oui, je suis en détention. Je suis fier d'être détenu pour une cause. La cause, c'est d'avoir aimé mon pays, d'avoir répondu à mon devoir citoyen. C'est tout ce que tu as fait? Oui, c'est tout ce que j'ai fait. Tu as juste aimé ton pays et on te met en prison? Voilà. Mais je suis fier parce que ceux qui m'ont mis en prison, ils sont du mauvais côté de l'histoire. On retrouve demain la réalisatrice Marlène Rabault pour la suite de cet entretien autour de son dernier opus, Congo Lucha. Entendez, la lutte pour le changement. Et demain vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. 18 ans à la tête de la République démocratique du Congo n'ont pas permis au président Joseph Kabila de tenir ses promesses. La paix est signée. Mais les conflits s'éternisent. On organise des élections sans respecter la Constitution. Le produit intérieur brut triple, mais les ressources du pays sont pillées. Kinshasa attend toujours sa démocratie. Un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Cette semaine est réalisée par Jérôme Nussbaum.